بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكونتينيون فيني إن شاء الله كتاب الحيض والنفاس، لو ليفر دي مونسترو اي دو النفاس دي لوكي دا عمدة الفقه. On en était arrivé au point où on traitait des règles de l'istihadة de la personne qui a l'istihada, l'hémétrorragie, c'est-à-dire que son sang il coule tout le temps. Et on a vu qu'il y avait, elle était dans trois cas. Ces trois cas, on les a cités à partir de Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram, on les recite à partir de Umdat al-Fiqh, du livre qu'on étudie en particulier. Il y a trois cas. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. Si jamais la personne donc, qui a l'hémétrorragie, elle voit que le sang il continue au niveau des menstrues, mais qu'elle avait une habitude, c'est-à-dire qu'elle sait que par exemple ses menstrues elle les a au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois à peu près, à telle date. فحيضها أيام عادتها. Ses menstrues, cependant, elle les calcule ou elle les prend à la période de son habitude. À la période de son habitude. Deuxième cas, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيزٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ دَمِهَا أَسْوَدٌ ثَخِينًا وَبَعْضُهُ رَقِيقًا أَحْمَرٌ فَحَيْضُهَا زَمَنَ الْأَسْوَدِ الثَّخِينٌ. Le deuxième cas, elle n'a pas d'habitude. Par contre, elle fait la différence. Elle fait la différence, on l'a déjà dit, entre le sang des menstrues, qui est un sang plutôt noirâtre et épais. Elle fait la différence. Et donc, quand elle voit ce sang qui est noirâtre et épais, elle sait que c'est al-hayd, les menstrues. Et que donc, elle doit arrêter la salat, toutes les règles qu'on a citées au début du premier dars des menstrues. Et si jamais elle voit le deuxième sang, qui lui est un sang comme le sang des coupures, là, elle sait que c'est al-istihada et que donc elle peut faire la salat, etc., etc. Le troisième cas, wa in kana mubtada'a wa in kanat mubtada'a aw nasiyatan li'adatiha wa la tamyiz laha fa haydaha min kulli shahrin 6 ayyam aw 7 li'annahu ghalibu 'adatan nisaa. Et le troisième cas, c'est si elle, c'est la première fois qu'elle se menstrue, ou qu'elle a oublié son habitude, et qu'elle ne sait pas non plus faire la différence entre les sangs, c'est ce qu'on appelle le mutahayyira, celle qui est dans la confusion. Celle-là, elle est dans la confusion. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle prend 6 jours, ou 7 jours, elle considère que pendant ces 6 jours, ces 7 jours, elle est en période de menstrue, c'est-à-dire elle arrête de faire la salat, le jeûne, etc., etc. Et le reste du temps, elle se considère comme étant en métrorragie, en istihada. C'est bon? Frère, inshallah. Tout ça, c'est dans l'umda tawfiq. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, wal hamilu la tahid. Et la femme qui est enceinte n'a pas de menstrue. Elle n'a pas de menstrue. Attendez avant de marquer, parce qu'on va voir que c'est pas exact. Illa an tara ad-dam qabla wiladatiha bi yawmin aw yawmayn, fa yakunu damu nifas. Ici, Ibn Qudama, il dit, dans l'umda tawfiq, wa huwa al-madhhab, il dit, c'est le madhab de l'Hanbali, il dit, la femme qui est enceinte n'a pas de menstrues. Si elle voit le sang avant d'accoucher, un jour ou deux jours, ceci est le sang du nifas, des loki. On va le voir, c'est le prochain sang, c'est celui qui sort après l'accouchement, ou comme on le voit ici, un peu avant. La réalité, c'est que, laysa al-itlaq, c'est pas tout le temps. On va dire que le fait que la femme enceinte n'a pas de menstrues, ça c'est la grande majorité des cas. Mais il y a des cas où il y a des femmes enceintes qui ont des menstrues. Comme c'est rapporté, on a demandé au Cheikh Soul al-Cheikh Abdullah ibn Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab an al-Hamili idha ra'at ad-dam. On a demandé au Cheikh Abdullah, le fils du Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, ad-Dur al-Saniya, je vous donnerai la référence après, à propos d'une femme enceinte qui voit du sang, qui a un écoulement de sang. Il répond, فأجاب إذا رأت الحامل الدم فهذا ينظر في حال المرأة فإذا كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت فهذا لا تلتفت إليه بل تصلي فيه وتصوم ويكون حكمها حكم المستحاضة وليس في هذا اختلاف. Le premier point. Si la femme qui a, vous pouvez le prendre comme ça, premier point. Si la femme qui est enceinte voit du sang et qu'il n'est pas dans ses habitudes d'avoir ses menstrues pendant qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas attention à ce sang, c'est-à-dire qu'elle continue à faire la salat et le siyam. D'accord? Et elle se considère comme étant istihada, comme un état mustahada, comme un état, de métrohagie. Et il n'y a pas dans cela de divergence. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de divergence. Deuxième cas. وإنما الاختلاف فيما إذا كان عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل ويتكرر. Deuxième cas, c'est quoi? Là où il y a divergence, c'est si c'est une femme, il fait partie de ses habitudes. Elle a comme habitude que lorsqu'elle est enceinte, elle continue d'avoir ses menstrues. Et que cette habitude, elle se répète. Ça, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. ويأتيها في عادة الحيض. Et en plus, ce sang, il vient dans la période de ses menstrues. Par exemple, au début, comme on a dit au début, au milieu, à la fin du mois. D'accord? Ou bien sûr. وتطهر في عادة الطهر. Et que sa purification, c'est-à-dire le fait que le sang s'arrête, ça vient au moment où elle est purifiée normalement. Qu'est-ce qu'elle fait? فهذا الذي اختلف فيه العلماء والراجح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما وصفناه. Il dit, c'est sur cela que les ulama ont divergé. Et le Cheikh Abdallah, qui est un faqih, mashallah, il dit, et l'avis le plus juste par la preuve, c'est que c'est une menstrue. Si jamais c'est dans ce cas-là, c'est une femme qui a l'habitude d'avoir ses menstrues pendant les, qu'elle est enceinte, ceci c'est une menstrue. Si c'est comme nous l'avons décrit. وَلَكِنَّهُ قَلِيلُ الْوُقُوعِ. Mais cela arrive rarement, rarement. وَكَثِيرُ الْوُقُوعِ عَلَى الصِّفَةِ الْأُولَى. Par contre, c'est assez répandu de la première manière, c'est-à-dire d'avoir d'être mustahada, d'avoir la métrorragie pendant la grossesse. فأنت افهم الفرق بين من هو لها عادة متكررة وبين من هو ليس لها عادة ويضطرب عليها الدم فإنها تشتبه على كثير من الطلبة. Et ensuite il s'adresse à l'étudiant qui lui a posé la question. Il lui a dit, il faut que tu comprennes la différence entre une femme dont ça c'est l'habitude qu'elle a les menstrues pendant qu'elle est enceinte et celle dont ce n'est pas une habitude. Vous avez compris cette mascara-là? Alors votre tafsir. On conclut par une question qui n'est pas dans l'umda, mais on la cite, inshallah, de manière résumée. كيف تعرف المرأة الطهرة? Comment la femme sait-elle qu'elle est pure? C'est-à-dire que ses règles se sont arrêtées. C'est bon, vous avez, خير, inshallah. Comment la femme donc sait que les règles sont finies? عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاها عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دام الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلا حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه مالك. الإمام مالك رحمه الله rapporte dans le Muwatta que les femmes à l'époque de Aïcha, rapport d'une esclave affranchie de Aïcha, que les femmes à l'époque de Aïcha, elles envoyaient un récipient à Aïcha avec dedans le coton, comme on dirait à notre époque, leur tampon, pour savoir si c'était la fin des menstrues ou pas. Et Aïcha leur répondait, radiallahu anha, qui fait partie, radiallahu anha, des plus savants parmi les savants des Sahaba. Aïcha, elle fait partie des grands ulama parmi les ulama des Sahaba, c'est-à-dire des plus grands ulama parmi les ulama de cette umma. Radiallahu anha wa radaha. Elle disait, ne vous précipitez pas. Elle disait aux femmes, ne vous précipitez pas. C'est-à-dire à refaire la salat, hein, à vous purifier. Jusqu'à ce que vous voyez, elle qassat al bayda. القصة البيضاء. Qu'est-ce que c'est القصة البيضاء? Les ulama, ils ont dit, comme il a dit Ibn Muflih, à propos de ce hadith, ومعنى لا تعجلا بالغسل, ومعنى القصة أن تدخل القطنة في فرجها فتخرج بيضاء نقية. وقال أحمد, وماء أبيض يتبع الحيضة في المبدع شرح المقنع المجد الأول صفحة 86 Wa mi'atayn. Ibn Wuflih, rahimahullah, parmi les savants de l'Hanabila, il a dit quoi? Il a dit, Aïcha, qu'est-ce qu'elle leur disait? Le sens du hadith, ne vous précipitez pas à faire le roussi. Mais attendez que sorte Al-Qussat al-Bayda. Al-Qussat al-Bayda, il y a deux avis. C'est soit le fait que la femme, quand elle sent ou quand elle voit qu'il n'y a plus de, que le sang s'est arrêté, que les règles sont finies, elle rentre un coton à cet endroit-là, et quand elle le sort, il sort tout blanc. Ça y est, il n'y a plus de sang qui coule, ça y est, c'est fini. Une première chose, un tampon ou quoi que ce soit. Et l'imam Ahmed, il dit, c'est une autre version, c'est vrai, c'est comme quoi c'est une eau blanche ou un fil blanc qui sort une fois que les menstrues sont finies. Comme indiqué que les menstrues sont finies. D'accord? Donc c'est ici, comment la femme elle sait que les menstrues sont finies? De deux choses l'une. Soit le sang s'est arrêté complètement, donc elle rentre le coton, elle le sort, il est blanc. Soit elle a cette Qussat al-Bayda, cette eau blanche, ou ce fil blanc, qui sort de cet endroit-là, et qui montre que les menstrues sont finies. Wallah. Bab al-Nifas. Ensuite, Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, Bab al-Nifas, le chapitre de l'Oki. On appelle ça en français l'Oki. Bab al-Nifas, on va utiliser le terme Nifas. Et le Nifas, c'est quoi le Nifas? C'est le sang qui sort à cause de l'accouchement, qui suit l'accouchement. قال ابن قدامة في الكافي فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس لأن سبب خروجه الولادة. ابن قدامة رحمه الله il a dit dans le Kafi, si ce sang il sort un jour, il sort deux jours ou trois jours avant l'accouchement, c'est le nifas, c'est le qui commence, car la cause de ce sang c'est l'accouchement, c'est-à-dire l'accouchement qui va venir. Ensuite, il dit Ibn Qudama da Umdat al-Fiqh, wa hukmuha, hukmu al-haydi, fima yahillu, wa yahrumu, wa yajibu, wa yasqutu bih. Et le jugement d'unifas, ou le statut d'unifas, c'est le statut des menstrues. Dans ce que ça rend permis, dans ce que ça interdit, et dans ce que ça rend obligatoire. Et dans ce en quoi la femme est exemptée lorsqu'elle a une nifas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout ce qu'on a cité au début du chapitre, les 10 points qu'on a cités au début du chapitre, ils s'acceptent, ils s'appliquent exactement pour la femme qui est en état de nifas après qu'elle a accouché. Et cela, Hakahu ibn Qudamata ijma'an fil Mughni, fil Mujallad al-Awwal, safhat 51-400 min taba'at ibn al-Hadith. Cette question-là, elle a été rapportée comme étant Ijma' d'Ibn Qudama dans le Mughni. Donc le chapitre du Nifas, il sera très court. On ne va pas répéter les 10 points qu'on a cités au début du chapitre. Et on suit à peu près le même plan que ce qui a été cité dans la question des menstrues. Et il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans Umdat al-Fiqh, wa aktharuhu 40 yawman wa la hadda li aqallih wa mata ra'at at-tuhra ightasalat wa hiya tahirun wa in 'ada fi muddat al-40 fa huwa nifasun ayda. Le maximum du nifas, le temps maximum du nifas est de 40 jours. Le maximum du temps du nifas est de 40 jours. Et il n'y a pas de limite à son minimum. C'est-à-dire que le nifas, il peut durer un jour, deux jours. C'est même arrivé qu'il n'y en ait pas du tout, qu'il n'y ait pas de sang qui coule. C'est rare. On va voir le dalil après. Si le temps, si la femme voit la pureté, c'est-à-dire qu'elle voit que le sang s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ghusl. Elle fait le rousse, et elle est pure. Et elle redevient comme la femme dont les menstrues s'arrêtent. Et si le sang, il revient, pendant cette période de 40 jours, ben elle se reconsidère en nifas. Elle considère que c'est de nouveau l'éloqué. Le premier, le dalil, comme quoi le maximum est de 40 jours. Il rapporte un hadith qui est daif, mais alhamdulillah, nous avons une jma' rapportée par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah al-Tirmidhi, sahib al-Sunan, celui qui a rassemblé le livre de hadith connu, Jama' al-Tirmidhi. قال الترمذي في سننه وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي من الأوتار المجلد الأول صفحة 35. الترمذي الذي رحمه الله تعالى. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont unanimes. Ijma. Et les tabi'oun, et les gens qui les ont suivis, comme quoi les femmes qui sont en état de loki délaissent la salat pendant 40 jours. C'est le maximum. Sauf si elles voient la pureté avant cela, elles doivent faire le ghusl et prier. D'accord? C'est ce qu'on vient de dire. Juste, il faut savoir que sur cette question, il y a ijma. Il n'y a pas de divergence ou pas chercher la divergence. S'il y a une divergence après l'ijma', al-khilaf al-hadith ba'd al-ijma', batilun, la yu'tadubi. Toute divergence qui vient après que l'ijma', l'unanimité, ait été établie, on n'y prête pas attention. Donc, le maximum c'est 40 jours. Si la femme voit la pureté avant cela, elle se lave et elle fait la salat. Maintenant, si le sang s'arrête et qu'il reprend dans cette période de 40 jours, elle se considère comme étant toujours en état de nifas. Elle arrête la salat, etc., etc. Si ça dure plus de 40 jours, qu'est-ce qu'elle fait? قال ابن قدامة في الكافي صفحة 59. وما زاد على 40 فليس بنفاس. وحكمها فيه حكم غير النفساء إذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا. Ibn Qudama a dit dans le Kafi, ce qui dure plus de 40 jours n'est plus un nifas. D'accord? C'est-à-dire, elle n'a plus le jugement d'un nifas. Si ce sang-là qu'elle voit après ces 40 jours correspond à l'habitude des menstrues, comme on l'a dit, toujours l'habitude des menstrues, elle se considère comme en état de menstrues. Toujours en revenant aux trois choses. Si jamais ça ne correspond pas à une habitude, est-ce que c'est, comme il dit dans le Mourni, il dit, rahimahullah, dans le Mourni, فَإِذَا زَادَ دَمُ النُّفَسَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَصَادَفَ عَادَةَ الْحَيْدِ فَهُوَ حَيْدٌ وَلَمْ يُصَادِفُ عَادَةً فَهُوَ اسْتِحَادَةً. Si jamais ça n'est pas en fonction d'une habitude, là, que le sang il coule plus de 40 jours et que ça ne correspond pas à l'habitude des menstrues, qu'est-ce que c'est? Un istihada. C'est les métrorragies. On n'a pas, alhamdulillah, la question elle est simple. Il y a trois choses. C'est soit les menstrues, le sang qui sort de cet endroit-là de la femme, c'est soit les menstrues, al-hayd, soit al-nifas, si elle vient d'avoir un enfant et que c'est dans les 40 jours. Si c'est plus de 40 jours, ça devient soit un haïd encore, ou soit ça devient un istihada, une métrorragie. Et ça, c'est dans le Mourni, le volume 1, la page 446. وبهذا انتهينا من كتاب الطهارة من عمدة الفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et avec cela, nous avons fini l'explication du livre de la purification de Umdat al-Fiqh. Et c'est grâce à Allah qu'on a réussi à faire cela. On lui demande qu'il nous a fermé sur son din et qu'il nous donne l'ilm al-nafi', la science profitable, l'amal al-salih, l'acte pieux. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.